ta bicrave qui vient tout droit des bords. On vient prendre la place, s'installe comme un gros porc. Si la vie c'est la mer, bah tire la chasse d'eau. Neuf de notre réseau, TTTK. Dans nos terres, ta bicrave qui vient tout droit des bords. On vient prendre la place, s'installe comme un gros porc. Si la vie c'est la mer, bah tire la chasse d'eau. Neuf de notre réseau, TTTK. Génération baisée, quand on vit tout baiser. Dans le système de PD, on est des cons d'années. Hey, Papolos qui se la joue à la Chicanos. Oui, va se faire arroser à base de bastos. Hey, j'baisse tout sur son. Normal, j'suis une mèche au bout d'une dynamite avant de péter sur ce beat. Message pour le président et le trésor de la République. J'ai une bite dans la place d'un con, tu veux me pépon comme le fils. Un conseil pour ton fils, traîne pas dans ma street. Tu veux pas te faire violer par la rue et par l'instru. Hey, c'est violent comme du free fight. Speed comme un Burman, ça casse tes coups comme des Neymar. Et les man, on va se la jouer à la cigale. Car ici y'a un dégât, ce fils de pute ça régale. On va voir Haggad, comme quand vous faites les Haggad. Je jure si t'enterrer d'avoir un barbasse. Comme d'habitude en sauto coup de Sega. On perfore avec du gros calibre d'un ta Sega. On t'avait prévenu 4 CK. On fera sauter le caisson. Que ça soit avec un calage ou le son. Que les amateurs de son se mettent de côté. Parce que sous le chemin y'a des bolides et des mecs cotés. On braille tout comme un tank, un deck, comme un délinquant. Je suis comme les supporters, t'as les packs des preuves. On arrive avec une boucherie, ouais. Une tirée à l'aide. Comme du cachot, comme le mouton du jour de la hit. On fait pas de détails, hey, un de sa mitraille. J'ouvre le feu et c'est pas de l'état, un de sa détaille. Dans nos têtes, la bicrave qui vient tout droit des bords. On vient prendre la place, s'installe comme un gros porc. Si la vie c'est la mer, bah tire la chasse d'eau. Neuf de notre réseau, TTTK. Dans nos têtes, la bicrave qui vient tout droit des bords. On vient prendre la place, s'installe comme un gros porc. Si la vie c'est la mer, bah tire la chasse d'eau. Neuf de notre réseau, TTTK.